Chapitre 15e, le retour. Mademoiselle Carlyle tint parole. Elle abandonna sa propre maison, et accompagnée de Pierre et de deux servantes, elle alla s'établir à East Lynne. En dépit des remontrances réitérées du vieux Deal, elle congédia les domestiques qu'avait arrêtés Carlyle, tous, l'exception d'un seul. N'était l'épisode des robes en mousseline de laine, elle eût probablement consenti à garder également l'une des femmes de chambre, car malgré sa mauvaise humeur, elle avait assez de bon sens pour comprendre que dorénavant, il faudrait un personnel plus considérable pour faire marcher le ménage. Un mois environ après le mariage, un vendredi soir, Carlyle et sa femme arrivèrent à East Lynne. On les attendait et Mademoiselle Carlyle, pour les recevoir, alla se placer sur la marche la plus élevée du perron entre les piliers du péristyle. Elle s'était coiffée d'un bonnet neuf, elle avait revêtu sa plus belle robe de soie noire. Bientôt une élégante voiture arriva au grand trot des quatre chevaux de poste et s'arrêta devant la porte. Depuis un mois, Mademoiselle Carlyle avait eu le temps de cuver sa colère, et elle en était venue à se dire que ce qu'elle avait de mieux à faire était de cacher son dépit et de ronger tranquillement son frein. « Comment, vous ici ?» s'écria Carlyle en montant les degrés du perron. « C'est fort aimable à vous, Cornélie, d'être ainsi venue à notre rencontre. « Isabelle, continua-t-il, laissez-moi vous présenter à ma sœur. » Lady Isabelle tendit vers elle sa main, et Mademoiselle Carlyle voulut bien consentir à en toucher l'extrémité des doigts. Carlyle les laissa ensemble et retourna à la voiture chercher quelques objets qu'il y avait oubliés. Mademoiselle Carlyle conduisit alors la jeune femme dans une petite chambre où l'avait fait servir un plateau portant le souper. « Si vous le désirez, madame, fit-elle d'un ton sec et brusque, vous pouvez, avant de manger, aller changer de vêtements. »« Merci, répliqua Isabelle, nous avons dîné et je n'ai plus faim. Je préfère monter me reposer. »« Ne voulez-vous donc rien prendre ? » demanda Mademoiselle Cornélie. « J'ai soif, et une tasse de thé me ferait plaisir en ce moment. »« Du thé, à 7 heures !» grogna la vieille fille. « Mais vous n'y pensez pas. Vous n'endormirez pas de la nuit. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau bouillante. »« Peu importe, » répondit doucement Lady Isabelle, « je n'y tiens nullement, et je serai fâchée de causer aucun dérangement. » Mademoiselle Carlyle sortit précipitamment. Qu'allait-elle faire ? Elle seule le savait. Arrivée dans le vestibule, elle se rencontra nez à nez avec Marvel. Sans échanger la moindre parole, elles se regardèrent toutes deux de travers et d'un air enfoigné. Marvel était fort bien ajusté, tiré à 4 épingles, vêtu d'une robe à 5 volants, coiffée d'un chapeau à voile, et à la main elle portait une ombrelle. Lady Isabelle, dès que sa belle-sœur eut quitté la chambre, s'était assise dans un fauteuil et avait donné libre cours à ses larmes et à ses sanglots. L'accueil glacial qu'elle venait d'essuyer l'avait vivement émue, et elle se demandait si véritablement elle était de retour à East Lynne. Carlyle entra en ce moment et s'aperçut de son chagrin. « Isabelle » s'écria-t-il en se penchant vers elle. « Isabelle, ma douce enfant, que vous est-il arrivé ?»« Rien » murmura-t-elle en réponse. « Je suis fatiguée, je crois, et c'est de me réveiller en moi les souvenirs du passé, les souvenirs de mon père. Archibald, je voudrais me retirer immédiatement dans l'appartement qui nous a été préparé. Lequel est-ce, le savez-vous » Il n'en savait rien. Mais Mademoiselle Carlyle entra juste à point pour répondre à la question et annoncer à Isabelle que l'appartement se trouvait près de la bibliothèque et que c'était le meilleur dans la maison. Elle offrit d'y conduire sa belle-sœur, mais Carlyle préféra s'acquitter lui-même de cette tâche. Dans l'appartement, tout semblait froid et triste au dernier degré. Aucune lumière dans les chandeliers. « C'est à n'y rien comprendre, » s'écria Carlyle. « On dirait que tout ici a été laissé à la débandade. » Il faut croire que les domestiques n'ont pas compris ma lettre et qu'ils ne nous attendaient que demain. « Archibald !» balbutia la jeune femme en ôtant son chapeau. « Je me sens très abattue. Me permettrez-vous de me déshabiller et de ne pas redescendre ce soir ?» Il la contempla un instant en silence et en souriant. « Oubliez-vous que vous êtes maintenant chez vous ? Puisse cette demeure vous être agréable, ma bien-aimée. Je m'efforcerai de vous la rendre telle. » Elle laissa tomber sa tête sur son épaule et se mit à sangloter. Lui, affectueux et bon, cherchait à la consoler, en couvrant son doux visage de baisers amoureux. Oh, il l'aimait bien, de toutes les forces de son cœur, cette tendre fleur qu'il voulait acclimater entre ses bras. Il l'aimait à l'adoration, mais qui sait s'il ne devait pas la voir s'étioler sous l'influence hostile et pernicieuse de sa sœur. La voix de Marvel, qui se faisait entendre du dehors, mit fin à cette scène. Isabelle, ne désirant pas que sa servante s'aperçût de son chagrin, se hâta de baigner son visage et ses yeux dans une coupe d'eau fraîche. Carlyle se retira, laissant Isabelle avec Marvel, la femme de chambre, qui se mit aussitôt en mesure de déshabiller sa maîtresse. Marvel gardait un silence de mauvais augure. Au mouvement agité de ses lèvres, il était facile de voir que la langue lui démangeait, et que sa mauvaise humeur ne demandait qu'à éclater. Marvel avait mille raisons pour se plaindre, car elle se considérait comme la plus maltraitée de toutes les servantes. Depuis le jour du mariage, son mécontentement n'avait fait qu'empirer de jour en jour. Les nouveaux mariés avaient oublié d'attacher à sa suite, comme cela se pratique d'ordinaire, un valet de pied pour veiller sur elle durant le voyage. Première faute. Maintenant, elle arrivait dans une maison où il n'y avait qu'un personnel fort restreint de domestiques. Pas de femme de charge, pas d'intendant, rien enfin de ce que l'on trouve chez les grands seigneurs ou les riches particuliers. C'était en faire, elle, un souffre-douleur. De plus, elle venait de subir un sanglant affront de la part de Mademoiselle Carlyle. Elle était dans le vestibule, appelant à haute voix quelqu'un à son aide pour monter une petite malle renfermant le carré de toilette de Lady Isabelle, quand apparut tout à coup Mademoiselle Carlyle, qui lui enjoignit de s'acquitter elle-même de cette besogne. Marvel, irrité outre mesure, avait été sur le point de lancer le coffre à la tête de la vieille fille, et elle l'eût fait certainement, si on ne lui avait appris que c'était la belle-sœur de sa maîtresse. « Avez-vous besoin d'autre chose, Milady ? » demanda-t-elle, après avoir aidé Lady Isabelle à se dévêtir d'une robe de chambre et à se chausser de pantoufles doublées de fourrure. « Non, vous pouvez partir. » Marvel se retira en lui souhaitant le bonsoir. Pendant ce temps, Carlyle s'était mis en quête de sa sœur. Il la trouva assise à table, en train de manger une aile de poulet. « Cornélie, je ne puis comprendre ce qui se passe ici. Je ne vois dans la maison que vos propres domestiques. Où sont les miens ? Je les ai mis à la porte, » répliqua d'une voix ferme Mademoiselle Carlyle. « À la porte ?» répéta Carlyle. « Et pourquoi ? Je n'ai pas eu à me plaindre d'eux. Vous êtes charmant !» continua la vieille fille. « Je suis arrivée ici à l'improviste un samedi matin et j'ai trouvé ces dames enrubannées de la tête aux pieds et faisant leurs embarras en robe de mousseline de laine. Je vous conseille à l'avenir de ne plus vous mêler de nos affaires domestiques. Vous n'y entendez rien et vous vous faites attraper. Veuillez me couper une tranche de cette langue de bœuf. » « Mais enfin, je ne vois pas là une faute bien grave, » reprit Carlyle, tout en offrant à sa sœur la tranche demandée. « Archibald, mon ami, vous êtes un fou, et vous vous êtes conduit en conséquence. Si vous ne pouviez pas rester garçon, vous auriez dû épouser une jeune fille de votre classe et de votre rang. Arrêtez !» fit Carlyle en interrompant brusquement sa sœur. « Je vous ai mis au courant de ma ligne de conduite. Je ne vous ai rien caché. Mais maintenant, je ne suis nullement disposé à entrer en discussion avec vous sur ce sujet. » « Ainsi donc, pas un mot de plus. Et revenons à la question des domestiques. Où sont-ils ? Je vous l'ai dit, je les ai renvoyés. Nous en avons déjà quatre, et votre femme a amené avec elle une servante aux grands airs, ce qui fait que nous comptons à présent cinq domestiques. Vous savez que j'ai l'intention de demeurer ici. » Cette dernière révélation fut pour Carlyle un coup de foudre. Il s'était jusqu'alors toujours courbé devant les volontés de sa sœur, mais il sentait à cette heure que dans sa position nouvelle, il n'était pas à désirer que Mademoiselle Carlyle vécût sous le même toit que lui et sa femme. « Et votre maison, que va-t-elle devenir ?»« Je l'ai louée toute meublée. Les nouveaux locataires y sont entrés aujourd'hui même. Vous le voyez, Archibald, j'ai pris mes précautions. Vous ne pouvez me chasser d'Eastline, à moins que vous ne désiriez voir votre sœur sur le pavé, ou obligée de se réfugier dans un logement garni. D'ailleurs, songez-y, ne vaut-il pas mieux, au point de vue des dépenses, que nous vivions tous ensemble ?» Votre femme sera la maîtresse, elle occupera ici le premier rang, mais ne pensez-vous pas que je puisse lui éviter une foule d'ennuis et de tracas en l'aidant à diriger la maison ? Ne pensez-vous pas qu'elle-même, ignorante comme elle doit l'être des affaires domestiques, ne soit enchantée de m'avoir auprès d'elle pour lui faciliter cette tâche ? La question posée de cette façon ne pouvait manquer d'obtenir l'approbation de Carlyle. Il avait une haute confiance dans le jugement de sa sœur. D'ailleurs, il s'était toujours laissé guider par elle, et l'habitude, on le sait, est une seconde nature. Cependant, il hésitait encore. « Cornélie, je reconnais en effet qu'Eastline est assez vaste pour que nous puissions y vivre tous ensemble, mais... »« Assez vaste !» s'écria Mademoiselle Carlyle. « Que dites-vous là ? La moitié d'Eastline suffirait à nous loger, n'était la haute dignité de Lady Isabelle. »« Eastline est à moi, » fit l'avoué. « Et votre folie aussi est à vous, » ajouta Mademoiselle Carlyle. « Quant au domestique, » continua-t-il, sans se donner la peine de relever ce que venait de dire sa sœur, « je vous avertis que j'en aurai autant qu'il me plaira. À défaut des somptuosités de la vie, je veux que ma femme jouisse de toutes les aises que je puis lui procurer. Les chevaux et la voiture occuperont un homme. » Mademoiselle Carlyle fut sur le point de se trouver mal. « Que me dites-vous là ? s'écria-t-elle. « Vous radotez, j'en suis certaine. Je dis que j'ai acheté une voiture et deux petits chevaux. De plus, nous avons la calèche dans laquelle nous sommes revenus ici. Elle nous a été offerte en prison par Lord Mountsavern. Oh, Archibald, Archibald, que de péchés vous avez commis. Des péchés, comment cela? Ces folles dépenses vous mènent en droit à une ruine prochaine. Combien de fois, depuis votre enfance, ne vous ai-je point mis sur vos gardes? Combien de fois ne vous ai-je pas répété que l'économie est une vertu, le gaspillage un péché? Mais ce n'est pas un péché que de dépenser avec modération ses revenus. Rassurez-vous, Cornélie, ce n'est pas moi qui ferai jamais des dettes. Ce disant, il quitta la chambre et se rendit dans celle de sa femme. Lady Isabelle était plongée dans un fauteuil. Elle était enterrée dans ses mains. En entendant entrer son mari, elle leva vers lui sa figure émue. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites et toute sa personne tremblait. « Qu'avez-vous, mon ami ?» demanda Carlyle. « J'ai eu peur, lorsque Marvel m'a laissé seul, » murmura-t-elle en s'emparant de son bras, qu'elle serra avec force. « J'ai voulu vous avertir, mais je n'ai pu trouver la sonnette, et cela m'a alarmé davantage. Je suis revenu sur mes pas, je me suis assis dans ce fauteuil, et j'ai caché mon visage dans mes mains en attendant votre arrivée. Je regrette de n'être pas venu plus tôt, mais quelle est la cause de cette agitation ? Oh ! Ne m'en parlez pas, j'étais folle. J'étais poursuivie par des idées lugubres. Mon cerveau en était envahi. Ne vous moquez pas de moi, Archibald. C'est ici la chambre dans laquelle est mort mon père. Pauvre enfant, murmura Carlyle avec douceur. Un souvenir terrible se présenta vivement à mon esprit, continua-t-elle. Souvenir dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit d'une histoire de chauve-souris que m'ont raconté les domestiques. Il m'a semblé qu'elles étaient encore là, à cette fenêtre, derrière les volets. J'eus peur, et je n'osais regarder du côté de ce lit, de crainte d'y retrouver. Mais je le vois, ceci vous fait rire. Carlyle souriait en effet. Il souriait car il savait que c'était la meilleure manière de calmer un esprit surexcité et d'anéantir des conceptions bizarres. Isabelle, je veillerai à ce que nous ayons une autre chambre. Non, dit-elle, gardons celle-ci. J'aime à songer qu'elle était habitée par mon père, et je vous promets de ne plus avoir peur. » Mais même alors, le trouble et l'inquiétude qu'elle témoignait donnaient un démenti à ses paroles. Car là, il était allé à la porte, et elle, en proie de nouveau à la plus vive frayeur, s'était précipitée sur ses pas et se tenait cachée derrière lui. « Serez-vous longtemps, Archibald ?» balbutiait-elle. « Une petite heure tout au plus, » répondait-il en se tournant vers elle. Carlyle ne put s'empêcher de remarquer l'agitation à laquelle elle était encore en proie. D'une main, il la tira à lui et la pressa avec force contre sa poitrine. Marvel était à la porte, demandant si on avait besoin d'elle. « Veuillez prévenir, Mademoiselle Carlyle, que je ne compte pas descendre de nouveau ce soir, » fit l'avoué. « Comme il est bon, » pensa Isabelle en elle-même. Le lendemain, Lady Isabelle Carlyle se trouva aux prises avec les difficultés de sa nouvelle position. À l'heure du déjeuner, Mademoiselle Cornélie descendit à la salle à manger, vêtue de ce costume singulier dont nous avons déjà eu l'occasion de faire la description. Bientôt après arriva Carlyle, suivi de sa femme, qui portait une bien jolie robe de demi-deuil, garnie de larges nœuds de ruban noir. « Je vous souhaite le bonjour, madame, et j'espère que vous avez bien dormi, » s'écria brusquement Mademoiselle Carlyle en voyant entrer sa belle-sœur. « Parfaitement, je vous remercie. » répliqua celle-ci en allant s'asseoir à l'un des bouts de la table en face de Mademoiselle Carlyle. « Si vous le désirez, » continua Cornélie, « je verserai moi-même le café afin de vous en éviter la peine. »« Cela m'obligera beaucoup, » répondit Lady Isabelle. Mademoiselle Carlyle, le front sourcilleux, l'air raide et pincé, servit le déjeuner. Vers la fin du repas, Pierre vint annoncer que le garçon boucher attendait la commande. Mademoiselle Carlyle fixa avec un malin plaisir ses yeux sur Lady Isabelle, qui ne savait que dire, que demander, n'ayant jamais eu à s'occuper de pareilles questions. Elle ignorait entièrement la quantité de viande qui pouvait être nécessaire pour une maison comme la leur, et dans son embarras, elle se demandait si c'était un bœuf tout entier qu'il fallait inscrire sur le livre de facture, que pour la première fois elle tenait à la main. Le regard moqueur de Mademoiselle Carlyle la déroutait de plus en plus, et bientôt elle ne sut plus quelle contenance faire. Pierre attendait toujours. Que l'on apporte quelque chose pour mettre à la broche ou dans la casserole, balbutia-t-elle enfin, sans trop savoir ce qu'elle disait. La crainte du ridicule rend timide à l'excès, et c'est pourquoi Lady Isabelle avait prononcé ces paroles d'une voix basse et presque inintelligible. Archibald, qui était à peu près de la même force que sa femme dans l'art de diriger un ménage, répéta avec un remarquable aplomb l'ordre que venait de donner Isabelle. C'en était trop pour pour les oreilles domestiques de Mademoiselle Carlyle. D'un bond, elle se leva de sa chaise et s'adressant à Lady Isabelle. « Ignorez-vous donc qu'une telle commande n'en est pas une et que notre boucher ne peut y voir qu'une énigme difficile à résoudre? Voulez-vous que je me charge de cette besogne pour aujourd'hui ?»« De grand cœur, » fit Isabelle, qui se sentait soulagée d'un grand poids. « Je suis encore peu au courant des affaires de la maison, mais j'apprendrai. » Pour toute réponse, Cornélie lui tourna le dos et sortit fièrement de la chambre. Isabelle, heureuse comme un oiseau que l'on a lâché de sa cage, vola auprès de son mari. « Avez-vous fini, Archibald ?»« Oui, mon enfant, » répondit-il en buvant d'un seul trait le café qui restait dans sa tasse. « Voulez-vous faire un tour de promenade ?» Il se leva et lui serra amoureusement la taille de ses deux mains. « Vous pourriez tout aussi bien me demander d'aller rendre visite à la lune, » répliqua-t-il en riant. « Il y a plus de 9 heures et depuis un mois, je n'ai pas été une seule fois à mes bureaux. Ce serait pour moi un si grand bonheur que de vous avoir toujours à mes côtés, » reprit-elle en essuyant ses larmes. « East Lynne sans vous ne sera plus East Lynne. Allons, il faut être raisonnable, mon ami. Je ne vous quitterai, croyez-le, que lorsque je me verrai obligé de le faire. Voyons, venez avec moi, nous traverserons le parc ensemble. » Elle voulut chercher ses gants, son chapeau et son ombrelle. Carlyle l'attendait dans le vestibule, et quand elle fut prête, ils partirent en se tenant le bras. Carlyle profita de ce qu'ils étaient seuls pour parler de sa sœur. « Elle désire demeurer avec nous, mais je ne sais pas si je dois y consentir. D'un côté, je crois qu'elle pourra se rendre utile et vous éviter les ennuis de diriger la maison. De l'autre, il me semble que nous serions plus heureux peut-être sans elle. » Isabelle éprouva un douloureux serrement de cœur. À la pensée que toutes ses actions allaient être, sans cesse et chaque jour, contrôlées par le regard malveillant de cette mégère. Toutefois, elle était trop bonne, trop douce, trop soumise, trop circonspecte, aussi pour froisser les sentiments des autres. Elle ne souleva donc aucune objection et se contenta d'engager son mari à suivre en cette circonstance sa propre idée. « Isabelle, lui dit Carlyle avec chaleur, ce n'est pas mon idée, mais la vôtre que je veux écouter, ma pensée unique à présent, et devoir tout organiser ici selon vos propres goûts. Le seul but de ma vie, c'est votre bonheur. » C'était du fond du cœur qu'il parlait, et Isabelle le savait, et elle se disait qu'avec une âme aussi aimante pour la protéger, elle n'avait rien à craindre, rien à redouter de la présence de Mademoiselle Carlyle. Qu'elle reste, Archibald, elle ne saurait troubler notre bonheur. Nous verrons comment iront les choses pendant un mois ou deux, fit Carlyle à moitié rêveur. Ils étaient arrivés à la grille du parc. « Que ne puis-je vous accompagner plus loin ? » s'écria-t-elle en lui étreignant fortement la main. « Je voudrais être votre clerc. Je n'aurais pas alors à me retourner toute seule sur mes pas. » Il la réprima doucement et en riant de ce qu'elle cherchait à lui faire faire à l'école buissonnière. Puis il partit en lui disant adieu des lèvres. Elle revint à la maison et se mit à en parcourir toutes les chambres. Tout lui paraissait triste. Ce n'était plus comme du temps de son père. Arrivée dans son cabinet de toilette, elle y aperçut Marvel, agenouillée et occupée à déballer les effets. Celle-ci se leva en voyant entrer sa maîtresse et lui demanda la permission de lui communiquer quelques mots. Sur un signe que lui fit Lady Isabelle, Marvel entama le long chapitre de ses griefs et finit par annoncer qu'elle ne pouvait se résigner à continuer ses services dans une maison qui lui paraissait aussi mal montée, qu'enfin elle désirait s'en aller sur le champ et que même, dans cette prévision, elle n'avait pas encore fait ouvrir ses propres malles. « Je sais, » répondit Isabelle, « qu'il y a eu quelque erreur touchant le nombre des domestiques. Mais d'ici à peu de jours, tout sera bien organisé. D'ailleurs, je vous ai prévenu, lorsque je me suis marié, que nous comptions mener une existence modeste. Ce n'est pas là ce à quoi je trouve à redire, » continua la servante, « mais je sens qu'il me serait impossible de vivre en contact perpétuel avec cette... » Marvel allait lâcher un mot qui aurait parfaitement caractérisé l'opinion qu'elle s'était formée de Mademoiselle Carlyle. Mais se rappelant que c'était, après tout, la sœur de sa maîtresse, elle jugea plus prudent de rengainer son compliment. « Avec Mademoiselle Carlyle, » fit-elle en se reprenant, « nous avons tous deux, voyez-vous, des caractères à ne pas s'accorder. Nous serions toujours à nous quereller. Pour tout l'or du monde, je ne voudrais consentir à rester. Si donc vous voulez bien me faire mon compte, je m'en irai dès que j'aurai mis en ordre vos affaires. » Lady Isabelle ne pouvait s'abaisser à prier à sa servante de lui continuer son service. Mais ce départ précipité la contraria vivant, et elle se demandait ce qu'elle allait devenir sans femme de chambre. « Combien vous dois-je » dit-elle en ouvrant son petit bureau portatif. « Milady compte-t-elle me payer le trimestre tout entier ?» demanda vivement la servante. « Je vous payerai jusqu'à ce jour ce qui vous est dû. Enfin, répliqua froidement Lady Isabelle. J'ignore alors combien cela fait. Lady Isabelle prit un crayon, du papier, et après avoir elle-même fait le compte, elle plaça sur la table quelques pièces d'or et d'argent formant la somme qui était due. C'est plus que vous ne méritez, et plus qu'on ne vous aurait donné ailleurs, dit-elle, car on ne quitte pas ainsi brusquement une maison. Marvel, en larmoyant, se mit à défiler alors un long chapelet d'excuses. Jamais elle n'aurait voulu se séparer d'une aussi bonne maîtresse, mais la force des circonstances l'entraînait à le faire. Elle ne pouvait se résoudre à vivre d'une façon aussi incommode, mais elle espérait cependant que Milady lui donnerait un bon certificat. Marvel s'en alla dans l'après-midi. Lorsque Lady Isabelle monta à sa chambre pour faire sa toilette du dîner, Joyce vint offrir ses services. « Je ne suis pas habituée, dit-elle, à remplir le rôle de femme de chambre, mais je suis envoyée par Mademoiselle Carlyle pour vous aider de mon mieux, si cela peut vous être agréable. » Isabelle fut touchée de cette marque d'attention que lui donnait sa belle-sœur. Joyce fit de son mieux et Isabelle descendit dès qu'elle fut habillée. Il n'était pas loin de 6 heures, heure à laquelle on se mettait à table. Carlyle n'était pas encore de retour. Elle alla devant de lui jusqu'à la grille du parc. Arrivée là, elle s'avança quelque peu sur la route, espérant l'apercevoir. Ne voyant personne, elle revint sur ses pas et alla s'asseoir à l'ombre d'un vieil arbre aux branches serrées et touffues. On était à la fin du mois de mai et déjà il faisait une chaleur intense. Une demi-heure plus tard, Carlyle, qui marchait avec précipitation, poussa la grille et, pénétrant dans son domaine, se mit à longer les plates-bandes gazonnées. Bientôt il s'arrêta en reconnaissant sa femme. Elle était là, devant lui, les yeux fermés et la tête appuyée contre le tronc de l'arbre. À ses pieds se trouvaient étendus son chapeau et son ombrelle. Sa pèlerine, à moitié défaite, retombait sur sa taille. Elle était belle à ravir, avec ses lèvres entrouvertes, ses joues rosées et son abondante chevelure qui retombait tout autour de son cou. C'était un tableau des plus gracieux, et le cœur de Carlyle battit avec force, en songeant que cette adorable créature lui appartenait. Silencieux et immobile, il la contemplait en souriant. Enfin, elle ouvrit les yeux et promena autour d'elle des regards curieux, comme lorsqu'on sort d'un doux rêve. « Archibald, s'écria-t-elle en se relevant lestement, me suis-je donc endormi ?»« Oui, certes. Elle n'aurait pu vous enlever et me voler votre cœur. Il faut y faire attention, Isabelle. Je ne suis pas disposé à vous perdre. » Je ne sais en vérité comment le sommeil est venu me surprendre. Je prêtai l'oreille, voulant reconnaître le bruit de vos pas. Et comment avez-vous employé votre journée ? Fit-il, en reprenant avec elle le chemin de la maison. Je ne sais pas. J'ai essayé le nouveau piano. J'ai regardé à ma montre, m'impatientant de ce que les aiguilles marchaient aussi lentement, et souhaitant votre retour. La voiture et les poneys sont arrivés. Oui, je le sais, mon ami. Êtes-vous sorti ? Non, j'ai préféré vous attendre. Puis elle raconta le départ de Marvel. Carlyle en fut affligée. Mais il engagea sa femme à tâcher de la remplacer sur le champ. Isabelle lui apprit alors qu'elle connaissait une jeune fille qui avait été au service de Lady Mountsevern et qui, trouvant l'ouvrage trop dur et n'ayant qu'une faible santé, avait quitté Castle Marling tandis qu'elle y était. « Il faut lui écrire immédiatement, » fit Carlyle. Tous deux entrèrent dans la salle à manger. Le dîner était servi. On se mit à table. Le lendemain matin, il y eut une scène assez vive. Carlyle venait de donner l'ordre d'atteler la voiture pour aller à l'église, lorsque sa sœur l'interrompit brusquement. « À quoi pensez-vous, Archibald ? Je ne puis tolérer chose pareille. »« Tolérer quoi ? » fit l'avoué. « Que l'on fasse sortir les chevaux un dimanche ? Oui, madame, » ajouta-t-elle en se tournant lestement vers sa belle-sœur. « Je suis une femme pieuse, moi. J'ai appris mon catéchisme, moi, et je mets en pratique l'observance du dimanche. » Isabelle ne se sentait nullement à l'aise. La perspective d'une promenade à pied jusqu'à l'église Saint-Jude, surtout par la chaleur accablante qu'il faisait, ne lui souriait pas beaucoup. Mais elle n'osait pas non plus se hasarder à froisser les scrupules religieux de Mademoiselle Carlyle. Debout dans l'embrasure de la fenêtre, serrée contre son mari, elle ne savait que répondre et baisser la tête devant Mademoiselle Carlyle, qui, assise à l'autre extrémité de la chambre, tenait à la main une Bible ouverte. « Archibald, murmura-t-elle enfin, je crois que si nous marchons lentement, cela ne me fatiguera point. » « Que ceci ne vous préoccupe point, » fit Carlyle en souriant et en lui parlant tout bas à l'oreille. « Allez, et tenez-vous prête, nous partirons à 10h30. »« Eh bien, va-t-elle marcher ?» s'enquit de nouveau Mademoiselle Carlyle dès que la belle-sœur eut quitté la chambre. « Non, répliqua l'avoué, je n'ai nulle intention de lui permettre de faire ce chemin à pied. il fait pour cela beaucoup trop chaud. Et ce serait exposer mal à propos sa santé. Nous partirons de bonne heure, John Batley, et nous arrivons à l'église avant le commencement du service. Est-ce donc un glaçon que vous avez épousé là, et avez-vous peur qu'elle ne fonde au soleil ?»« Isabelle, » reprit Carlyle avec calme, mais d'une voix fortement accentuée, « Isabelle est une plante délicate et frêle, à qui j'ai offert mon cœur pour abri, et que je compte aimer et chérir comme j'en ai fait le serment à Dieu, mon Créateur. » Ce disant, il disparut, et Mademoiselle Carlyle, en proie à la plus vive stupéfaction, porta les deux mains à ses tempes, comme pour en calmer les battements précipités. Un délicieux petit équipage s'arrêta devant le perron. Isabelle y prit place à côté de son mari. À mi-chemin, et au beau milieu de la route, pleine de poussière, il rencontrait Mademoiselle Carlyle, munie d'un énorme parapluie qui la garantissait des rayons brûlants du soleil. Elle allait à grands pas, allongeant ses jambes de toutes leurs dimensions. Elle ne daignait même pas lever la tête pour voir passer la voiture. L'église Saint-Jude était ce jour-là en émoi, comme elle l'avait été l'année précédente. On s'attendait à voir apparaître la mariée dans toute sa beauté vraie et d'emprunt, entourée de tout le luxe, de tout le faste que donnent la richesse et la grandeur. Mais les bons fidèles de Saint-Jude furent trompés dans leur attente. Isabelle n'avait pas encore quitté le deuil, et elle s'était vêtue d'une simple robe en étoffe de soie noire. Elle portait un chapeau blanc garni au dehors et au dedans de petites fleurs floculeuses imitant la scabieuse. Pour la première fois, Carlyle alla prendre possession du banc réservé à Isline, du banc qu'avait jadis occupé le malheureux comte de Mountsevern. Quant à Mademoiselle Carlyle, elle ne voulut point déroger jusque-là. Elle alla s'asseoir à sa place ordinaire. Barbara, elle aussi, se trouvait ce dimanche à l'église avec le juge, son père et Madame Hare. Sa figure était sombre et triste, son teint blafard. Elle le savait, mais elle ne pouvait y remédier. Ses yeux passionnés se fixaient avec toute l'ardeur de la jalousie sur cet autre visage rayonnant de beauté et que Carlyle, lui qu'elle avait tant aimé, couvait maintenant de ses regards pleins de tendresse et d'amour. Pauvre Barbara, son âme distraite et désenchantée ne tira pas ce jour-là grand profit du sermon. À la sortie du culte, Carlyle et sa femme traversèrent le cimetière qui s'étendait devant l'église. Tous deux s'arrêtèrent à l'endroit où se trouvaient enterrés les restes de Lord Mountsevern. Isabelle, qui avait rabaissé son voile, demeurait silencieuse et cherchait à déchiffrer l'inscription que l'on avait gravée sur la tombe. Sa poitrine était oppressée, et de douloureux sanglots s'échappaient de sa voix. « Voyons, » murmura Carlyle, en lui pressant affectueusement la main. « Du calme, mon enfant, du calme, je vous en supplie. » En dehors de la grille, plusieurs dames causaient avec la famille du ministre. Parmi ces dames se trouvait Barbara Hare. Elle vit Carlyle aider sa femme à monter dans la calèche. Elle le vit s'asseoir à ses côtés. Les lèvres de Barbara étaient blêmes et tremblantes lorsqu'elle rendit à Carlyle son salut. Quelques amis qui se tenaient auprès d'elle furent frappés de sa pâleur et lui en firent la remarque. « J'étouffe, » murmura la pauvre enfant, « cette chaleur est accablante. »« Ah, vous auriez dû retourner dans la voiture avec votre mère, » fit quelqu'un. « Non, j'ai préféré marcher, » répondit-elle. « Quelle jolie fille !» s'écria Isabelle en s'adressant à son mari. « Comment la nommez-vous » ?»« Barbara Hare. »